Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter les prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. Hockey senior, senior. On en parle de cette ligue de hockey nord-américaine. La saison est terminée, mais qu'est-ce qui va se passer avec la prochaine saison, avec la prochaine année? Quel est l'avenir de cette ligue-là? Quel est l'avenir de cette ligue-là? Et on sait qu'à Jonquière, on est là depuis plus de 20 ans. Oui. Puis on nommera pas toutes les équipes qui sont passées, mais entre autres les Marquis. Oui. On va discuter avec le commissaire par intérim, M. Gilles Rousseau. Gilles Rousseau, bonjour. Bonjour. Est-ce que Gilles Rousseau est commissaire pour encore quelques temps? Quels sont les candidats qui pourraient succéder à Richard Martel? Bon, on nommera pas de nom là, parce qu'on les a rencontrés hier. On a eu trois entrevues. Les trois ils ont fait des belles prestations, mais comme on leur a dit, tant et aussi longtemps qu'on est un qui cinq équipes, là, on n'étalera pas les noms et on ne fera pas de choix tout de suite. On va remettre ça plus tard. On va mettre plus nos énergies à trouver une sixième équipe et peut-être même une septième, là. C'est dépendant parce qu'il y a des équipes qui sont retirées, mais je sais que dans l'ombre, ils travaillent encore et ils veulent revenir. Là. OK. Alors donc, le nouveau commissaire ne sera pas nommé tout de suite. Est-ce qu'il pourrait s'ajouter d'autres candidats à ces trois noms-là? Oui, c'est pas fermé. Comme je vous dis, il y a peut-être des noms qui pourraient devenir à la dernière minute. Souvent là, ben, ce sera au propriétaire de décider s'ils vont les auditionner suite aux trois qu'on a rencontrés hier et qui ont fait des belles prestations également. Hier, on a parlé avec les gens du Lac-Saint-Jean, de Roberval, c'est près du domicile des Marquis de Jonquière. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous attendiez à un refus de la part des gens de Roberval? C'est sûr qu'on est déçu, mais en même temps, on les comprend parce que ils peuvent pas aller chercher 100, 150 000, 200 000 de commanditaires. Le plus qu'ils pouvaient aller chercher, c'est 50 000. Alors, ils sont pas pour déployer beaucoup d'énergie, puis pas avoir de profit à la fin de l'année, puis avoir des sommes astronomiques à payer. Ça, je pense que tout le monde était conscient de ça à la réunion hier, là. Puis je pense qu'on les remercie. Ils ont fait un travail honnête, puis ils ont fait tout leur possible. Au moment où on se parle, il y a 5 équipes qui sont prêtes à commencer la nouvelle saison. Évidemment, à 5, c'est pas évident, là. Quelles sont les possibilités d'une 6e ou d'une 7e équipe? Dans quel marché on doit se tourner? Ben, les marchés qu'on connaît un peu, ils étaient existants, puis ils ont abandonné la Ligue au fil de cette année ou les autres années. Rien que pour pas nommer Trois-Rivières, eux, ils semblent avoir lancé la serviette, mais c'est qu'il y a d'autres individus par en arrière qui font des efforts pour repartir la concession. C'est sûr qu'à 5, puis oublier ça. S'il y a 5 équipes, nous, on a une réunion le 18 de juin, c'est la date finale. Si on est 5 équipes de 18 juin, c'est sûr qu'on met un terme à cette ligue-là. Par contre, si on a d'autres équipes qui désirent se greffer, on va les rencontrer, puis on est ouvert à faire des réunions rapidement avec des propriétaires. Est-ce que les 5 équipes sont unanimes pour dire qu'ils ne commencent pas l'année à 5 formations? Ça, c'est certain. On en a parlé hier, puis c'est pas vivable à 5. On a de la misère des fois à 6 avec la cédule. Avec 5, ça va être encore plus difficile. Ils joueront pas beaucoup de parties, puis ils vont tout le temps jouer ensemble. Ça devient un peu trop amical, je pense. Selon vous, M. Rousseau, quels devront être les changements que les concessions en place devront faire pour attirer les autres? Parce que là, vous mentionnez tout à l'heure, Robert Val, il manquait un peu d'argent. Est-ce que en ce moment, le coût d'exploitation des équipes est trop élevé? Possiblement, mais je regarde une réunion qu'on a eue, je pense, en janvier, si vous voyez, puis on a une proposition pour baisser le plafond salarial à 5 500. Et ça, c'est une avenue qui est plaisante. Okay. Hier, on a discuté aussi, il serait peut-être pas mauvais d'aller courtiser davantage les gens qui jouent dans Junior 3A puis qui terminent leur carrière, plutôt d'aller en Europe, peut-être pour s'en venir avec nous autres. Ça régénérerait la Ligue, puis possiblement que ton plafond salarial, ben il pourrait être respecté à ce moment-là. Là. Peut-être faire le sacrifice de moins de grosses vedettes, de gros joueurs, mais des joueurs locaux à plus petit salaire. Oui, c'est ça. On a vu Charette qui a joué à Jonquière. C'est vrai, bel exemple. C'est ça. Tourigny, c'est le meilleur scoreur l'année passée. Il a gagné 2-3 plaques. Puis, il n'a pas fait le junior majeur. Je pense qu'il a fait le junior 3A. Il est quelqu'un, non, de même. Là. Je pense que ce serait peut-être davantage à aller consulter pour avoir des gens de ce calibre-là. Oui, bien, c'est la masse salariale, M. Rousseau, mais dans les ingrédients à changer pour la Ligue nord-américaine, devrait-on passer à revenir à du hockey, du jeu plus viril? Ben, le jeu viril, il n'y a pas personne qui est contre ça, mais c'est les batailles, là, les batailles générales, on n'en a pas eu cette année. Moi, je suis là depuis 2000 ans. J'étais préfet de discipline 5 ans. Et j'ai vu des parties avec 3 bagarres générales. Fait que je pense que c'était un peu trop, là. Il y a des bagarres, il y en a presque à toutes les games, une ou deux. Mais les gens qui font des bagarres, là, ça vient du junior majeur, puis ça vient des autres ligues, mais junior majeur, il n'y a plus de bataille. Fait qu'on la banque de joueurs robustes, là, diminue d'année en année, là. Advenant le cas que vous vous retrouvez dans un cul-de-sac le 18 juin prochain, est-ce que ça pourrait être possible? Moi, j'y crois pas, là, mais est-ce que ça pourrait être possible de prendre une année sabbatique? Une année de recul? Bon, c'est toujours possible, mais moi, personnellement, je pense que si tu arrêtes une année, l'intérêt va diminuer vers les propriétaires, l'intérêt va diminuer vers les spectateurs, puis je me vois mal 2 ans après repartir au Nîmes. La faiblesse qu'on a dans notre réglementation, c'est que les propriétaires ont jusqu'au deuxième mardi suivant la fin de la finale pour dire s'ils reviennent ou non. Si cette date-là serait au début de janvier, à ce moment-là, le commissaire, il avait beaucoup de temps pour aller trouver des concessions. Tandis que là, lorsque tu as une concession, la première question qu'il te demande, combien avez-vous d'équipes qui reviennent l'année prochaine? Bien, les commissaires, il n'y avait pas de réponse. Il dit, personne n'a répondu. Parce que personne ne le savait. C'est là la grosse faiblesse de notre ligue. Il faudrait qu'au mois de janvier, on soit capable de dire, oui, les 5 on vient, les 6 on vient. À ce moment-là, tu vas chercher, quand tu fais des approches auprès d'une clientèle diverse, mais tu as des chances d'aller en chercher. Un peu parce plus de crédibilité. Que t'es garanti que tes 6 équipes. Là, c'était pas le cas cette année, là. Le hockey senior a de la compétition. Il y a une ligue dans le coin de la Mauricie, senior une ligue 3A. Senior 3A qui attire quand même son lot de spectateurs. Nous, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec Charlevoix, là, depuis l'an dernier, il y a une nouvelle ligue senior qui a attiré quand même son lot de spectateurs aussi. Alors, vous avez quand même, puis vous avez le marché européen aussi qui va chercher des gros noms québécois. Alors, vous avez de la compétition, là. On a de la compétition, mais je pense que notre calibre est très, très élevé. Il n'y a pas grand senior 3A qui aurait battu nos deux équipes en finale. Non, ça, c'est sûr. Vous avez raison. C'est sûr et certain, là. Ce serait malheureux. C'est un beau calibre de jeu. Nous, ici, à Jonquière, au Palais des Sports, on a une bonne organisation. Il y a un public pour ça. Ce serait plate que cette ligue-là s'éteigne dans 2 semaines. Nous, en tout cas, on fait tout en notre possible pour donner de la crédibilité, pour parler en bien de la Ligue nord-américaine, pour que ça se poursuive. Dominique, tu as une autre question? Oui, bien, je me demandais, question d'avoir un peu, peut-être, le pouls des gens qui sont prêts ou de loin, qui suivent la Ligue depuis plusieurs années. Est-ce que ce serait une possibilité, avec les dirigeants des formations, des dirigeants de la Ligue, de faire un lac à l'épaule et de poser des questions et demander, bon, les partisans, ceux qui travaillent de près ou de loin dans cette Ligue-là, C'est quoi vos solutions? C'est quoi vos idées? C'est une option hier qui nous a été soumise par une des personnes qui applique au poste de commissaire. Okay. Jean Bellac à l'épaule, de même avec les spectateurs. Et également, une autre suggestion, c'était de faire une rencontre avec des joueurs de chacune des équipes, un ou deux joueurs de chacune des équipes, pour voir leur pouls. Puis ils verraient aussi le travail que les propriétaires font. Parce que chez vous, M. Claveau, là, puis Marc Boivin, là, ils travaillent fort. Marc, je pense que d'une journée, de m'en 3-4 fois, c'est ici, parce qu'il tient ce que la Ligue demeure. Puis, je comprends, C'est des gens qui travaillent extrêmement fort. Puis dans les autres organisations, moi, j'ai côtoie tous, là. Je peux vous dire qu'ils roulent le vent à terre très souvent, là. Je suis content d'entendre ça, qu'il y a quelqu'un qui veut se présenter comme commissaire qui a amené ça, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de personnes qui croient à ce circuit-là, qui auraient peut-être son mot à dire et peut-être une idée à amener, parce que je pense qu'il peut avoir un bel avenir pour ce circuit-là, mais il manque quelques petits ingrédients pour espérer la survie, puis espérer là, que ça soit prospère pour les prochaines années. Non, vous avez raison. Monsieur Rousseau, merci beaucoup. On va peut-être se reparler bientôt. Beaucoup au plaisir. Merci. Gilles Rousseau, qui est le commissaire par intérim de la Ligue nord-américaine de hockey ce soir, match final de la Coupe Stanley, match numéro 2, entre les Golden Knights de Las Vegas et les Capitals de Washington. Je suis content qu'il ait mentionné qu'un un qui veut se présenter comme commissaire est amené. Ça prend un lac à l'épaule. Ça prend des gens qui ont un mot à dire. Amenez vos idées. Qu'on amène du gars, on s'amène d'une salle. Attends une seconde. Je suis entièrement d'accord, là. Qui est invité au lac à l'épaule? Ça, c'est la grande question. Ça prend des journalistes qui suivent de près ou de loin. Ça prend des joueurs. Jusque-là, je te suis, ça va bien. Partisan, j'ai de la misère. Journaliste. Joueur, ancien joueur, peut-être. Joueur, dirigeant, ancien dirigeant. Ouais. Homme d'affaires, je sais pas. Oui. Parce que qui va participer? C'est bien beau dire on fait un lac à l'épaule. C'est juste les propriétaires, c'est pas un lac à l'épaule, c'est un meeting de la Ligue. C'est ça. Les médias, un gars comme Pelleau, là. Oui. Un gars comme Dominique Bolduc. Les gars, en fait, là, c'est pas bien compliqué. Pas Michel Tifo. Les gars qui décrivent les matchs, là, OK. Vous êtes local et sur la route. Et vous êtes combien? Vous êtes quatre? Oui, c'est ça. Les peuvent inviter, là, mais moi, je pense qu'il y aurait 4, 5, 6 gars de médias invités. À Trois-Rivières, là, tu sais, des Turcottes de ce monde, là. Oui. Steve, son nom, c'est Turcotte. Turcotte. Pelleau. Les gars là-bas à Saint-Georges puis à Rivière-du-Loup, là, c'est quoi leur nom, là? Il y a la gang de Cool FM, la gang de Ciel. Ici au Saguenay, Bolduc puis Tifo. Oui. Ces gars-là, plus des anciens joueurs et des joueurs. Exact. Lac à l'épaule. Et on sort des idées. Voilà. En une secrétaire. Oui. Qui prend des notes. On s'arrête pour une pause. On va jaser baseball dans les prochaines minutes avec Jean Tremblay. En parlant de baseball, les voyageurs ce soir sont à Charlebourg. Les voyageurs ont 3 victoires et 2 défaites.